Elle avait toujours été seule avant de le rencontrer. Coup de foudre, elle s'était pas trompée. Elle nous disait l'amour est mort, s'empêchait d'y croire. Elle était jeune, lui avait déjà eu des histoires. Comme un nouveau départ, et lui donnait de l'espoir. Elle était fière, nous raconter sa première fois. C'est vrai qu'il est attachant, de bonne humeur. Et quand j'y pense, en son absence, il y avait beaucoup moins d'ambiance. Et lui donner confiance, fini la jolie renfermée. Choquée devant ses danses, elle était transformée. C'était son meilleur pote, son amour, son anti-ennui. Il avait changé, elle pouvait plus sortir sans lui. Il était dur avec elle, elle est montée à la tête et certains soirs. Elle mentait pour le retrouver en cachette. Et moi je le trouvais saoulant, j'aurais bien dit full camp. Elle avait foi en lui, elle en parlait tout le temps. J'ai dû voir que ça allait pas, non ça allait pas. Elle avait dans le sang, pour lui elle se mettait dans des sales états. Un beau parleur, un bon dragueur, un charmeur, un étalon. À force de courir après lui, elle s'est cassé les talons. Elle buvait ses paroles, voyait plus personne, répondait plus à sa daronne. Non mais tu te rends compte l'amour, ça rend compte. Dans son regard on lisait le regret de leur première rencontre. On est trop dur à avaler, on la voyait, elle était pâle. Elle s'était fait balader par le cavalier. Son dernier bal, elle restait belle, mais qu'est-ce qu'elle était mal. Il lui a jamais rendu visite à l'hôpital. Elle nous disait toujours pareil, qu'elle arrêterait de le voir. Elle nous l'a dit trop de fois. Il lui remplissait les oreilles avec toutes ses histoires. On a compris trop tard. Elle nous disait toujours pareil, qu'elle arrêterait de le voir. Elle nous l'a dit trop de fois. Il lui remplissait les oreilles avec toutes ses histoires. On a compris trop tard. Mmh, trop tard. Mmh, trop tard. Mmh. L'ex d'un pote, il lui a présenté. Il lui a dit fais attention, tu pourrais te laisser tenter. Mais dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle est rentrée dans son cœur. Elle avait de beaux yeux verts avec un parfum de fleurs. Lui qui avait perdu l'espoir qu'un jour l'amour l'accompagne. Il venait de la ville, elle venait de la campagne. Au début de leur histoire, ils étaient beaux à voir. Il avait dans la poche, dès le départ. Ensemble ils pouvaient rester des heures couchés dans l'herbe, à regarder le ciel. Elle lui disait il faut détendre, et lui disait je t'aime. Elle était belle au naturel, dès qu'elle était pas là, il avait plus d'air. Elle disait des mots du bout des lèvres, avec ses potes, elle était populaire. Elle lui donnait le tournis, c'était la seule fille qui lui donnait le sourire. Il traînait avec elle tout le temps, tout le temps. Elle lui répétait ses doucement, doucement. Elle le suivait partout, ils allaient jusqu'au bout. Il voulait dormir avec elle au lieu de sortir avec nous. Elle l'avait changé, il avait les yeux cernés. Il passait la journée chez lui avec les volets fermés. Elle lui faisait oublier sa vie de merde, lui qui avait connu pas mal de doutes. Et un beau jour bercé par la vitesse, il s'est endormi sur la route. Il nous disait toujours pareil, qu'il arrêterait de la voir. Il nous l'a dit trop de fois. Elle lui remplissait les oreilles avec toutes ses histoires. On l'a compris trop tard. Il nous disait toujours pareil, qu'il arrêterait de la voir. Il nous l'a dit trop de fois. Elle lui remplissait les oreilles avec toutes ses histoires. On l'a compris trop tard. Mmh, trop tard. Je trouve que le deuxième couplet est bien moins abouti que le premier déjà. C'est pas assez raconté, ça reste trop dans le flou, c'est pas abouti. Oui. Et déjà, j'ai pas trop compris la dernière phrase que tu entendais par. La question c'est ça, Ben. Justement. De quoi il parle ce morceau? Déjà, ah d'accord, ok. Alors peut-être que c'est. Alors déjà, ok, le morceau il s'appelle C'est trop tard. Et tu l'as compris trop tard le morceau.